Avant de dépasser, j'avertis, je contrôle, puis je déboîte. Réponse A. Je contrôle, j'avertis, puis je déboîte. Réponse B. Je déboîte, j'avertis, puis je contrôle. Réponse C.